Let us pray right away. Prions immédiatement. Mighty Father, puissant Père, Father, your name is exalted. Père, ton nom est exalté. And established in heaven, et établi dans les cieux, and all over the universe, et partout dans l'univers. You who is the God of Abraham, toi qui es le Dieu d'Abraham, the God of Isaac, le Dieu d'Isaac, and Jacob, et Jacob. We today come before you. Nous venons aujourd'hui devant toi, in the mighty name of Jesus, dans le puissant nom de Jésus, to seek you, de chercher ta face, that we may hear from you, afin que nous puissions entendre de ta part, that you who is the creator of all men, que toi qui es le créateur de tous les hommes, you may be able to minister to this nation, que tu sois capable de parler à cette nation, the nation of the French Guiana, la nation de la Guyane française, that a revival of righteousness, que le réveil de la justice, may break out here, puisse commencer ici. That this people, que ce peuple, may prepare the way, peut préparer le chemin, for the glorious coming of the Messiah, pour la venue glorieuse du Messie, in the mighty name of Jesus, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. I want to begin by first of all recognizing the president. Je vais d'abord commencer par reconnaître la présence du président of the French Guiana, de la Guyane française. I want to recognize your presence here today. Je vais reconnaître votre présence ici aujourd'hui. And thank you very much for making this effort. Et de vous remercier beaucoup de faire cet effort. Number one, to receive me in the morning in your office. Premièrement, de m'avoir reçu ce matin dans votre bureau. And number two, to be here. Deuxièmement, d'être ici, that you may be able to hear this, afin que tu sois capable d'écouter ceci. And so the second thing I would like to say, la deuxième chose que je veux dire, is that indeed today is a blessed day, en fait aujourd'hui c'est un jour béni, that we are having this meeting here today, que nous avons cette réunion ici aujourd'hui, because of the things I am going to say here, à cause des choses que je vais dire ici. I know most of you know, je sais que beaucoup d'entre vous savent, that there is a tremendous historic revival, qu'il y a un réveil extraordinaire, tremendous historic, et un réveil extraordinaire et historique, going on right now, qui est en train de se passer maintenant, in Kenya, au Kenya, and beginning in other nations, et qui a commencé dans d'autres nations, including in Venezuela here, incluant le Venezuela à côté. The Lord already sent me there, le Seigneur m'avait déjà envoyé là-bas, and it began, et ça a commencé, in other nations, et dans d'autres nations. Now, owing to that, alors avec cela, it makes this day here, ça fait que ce jour ici, a very important day, un jour très important, for you as a nation, pour vous en tant que nation, and especially the pastors who are here, et spécialement les pasteurs qui sont ici, because of the things I'm about to say, à cause des choses que je vais dire. Today you are going to hear directly from God the Father. Aujourd'hui vous allez entendre directement de la part de Dieu le Père. And this is going to be a turning point. Et ça va être un point tournant. Not only in your ministries, non seulement dans vos ministères, but also in your churches and the nation. Aussi dans vos églises et dans la nation. And you know, et vous savez, that when you just watch our news, quand vous regardez vos nouvelles, you watch news globally, vous regardez les nouvelles dans le monde entier, you right away see, vous voyez directement, that the earth, que la terre, has never been this way before, n'a jamais été comme celle-ci depuis. It tells you, ça vous dit, that something must be happening, qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. And even as a Christian, et même en tant que chrétien, a pastor, en tant que pasteur, bishop, the bishop, it tells you, ça vous dit, with your spiritual eyes, avec vos yeux spirituels, as you look at the news, quand vous regardez aux nouvelles, it tells you, ça vous dit, that something tells me, que quelque chose me dit, that we are sitting at the brink of a major visitation. Nous sommes assis au pied d'une grande visitation. And that's why I come to you. C'est pourquoi je suis venu vers vous. Let me begin it this way. Laisse-moi commencer de cette manière-ci. Because it's only one day conference at the beginning at 7. Parce que c'est juste un jour de conférence. On commence à 19h. I am going to cover everything. Don't worry. Je vais couvrir toutes choses. Ne vous inquiétez pas. I will summarize every important conversation. Je vais résumer chaque conversation importante. But listen to this now. Mais écoutez ceci maintenant. The main conversation conversation is going to be this visitation. La conversation principale, ça sera cette visitation ici. This is the message the Lord is sending me with all over the earth right now. C'est le message avec lequel le Seigneur m'envoie dans le monde entier en ce moment-ci. The visitation that the Bible promised. La visitation que la Bible avait promis. When he said the latter visitation. Quand il a dit la dernière visitation. When he said the latter rain. Quand il a dit la pluie de la dernière saison. The second rain. La deuxième pluie. And he said, il dit, will come with greater power. Ça viendra avec une grande puissance. Will come with greater anointing. Une très grande onction. Mightier glory. Une puissance plus grande. And tremendous authority. Et une autorité extraordinaire. So we are going to discuss this. Alors nous allons discuter ça. However, malgré ça, allow me to begin with the first one. Permettez-moi de commencer avec le premier. Which is essentially the foundation. Qui est essentiellement le fondement. That brought this up. Qui a amené tout ceci. Now, maintenant, why do I come here? Pourquoi suis-je venu ici? I think that's a good place to begin. Je crois que ça c'est le bon endroit pour commencer. Let me explain this. Laissez-moi expliquer ceci. Your country is beautiful country. Votre pays est un beau pays. And I see you have a lot of tourists here. J'ai vu que vous avez beaucoup de touristes ici. Many countries I know are crying, oh, we need tourists. Il y a beaucoup de pays qui pleurent en disant, oh, on a besoin de touristes. And many countries, the European and other countries give travel advisory. Mais il y a d'autres pays, les Européens et d'autres pays donnent des informations touristiques, des conseils de tourisme. Don't go. N'allez pas là-bas. That place is not safe. Non, cet endroit-là n'est pas sécuritaire. But I see you have many tourists, you have the beautiful Amazon, everything is happening here. Je vois que vous avez un beau tourisme, vous avez une Amazon très jolie, toutes bonnes choses arrivent ici. So have I come to tour your country? Est-ce que je suis venu faire un tourisme dans votre pays? The answer is no. La réponse est non. The reason I come. La raison pour laquelle je suis venu. Is because the Lord Jehovah. Parce que Dieu, l'Éternel Dieu. Has spoken with me. A parlé avec moi. About the coming of the Messiah. Sur la venue du Messie. The reason I come to you. La raison pour laquelle je suis venu vers vous. The pastors. Les pasteurs. The evangelists. Les évangélistes. And the members of church. Et les membres de l'église. Is because the Lord Jehovah. Parce que le Seigneur Jehovah, he has spoken with me. Il a parlé avec moi. And if he has spoken with me, et quand il a parlé avec moi, what has he said? Qu'est-ce qu'il a dit? He has spoken with me. Il a parlé avec moi about the glorious coming of the Messiah. Sur la venue glorieuse du Messie. And I want you to know, je veux que vous sachiez, that this has been ongoing. Ceci est arrivé déjà. I've been down from New Zealand. J'ai commencé depuis la Nouvelle-Zélande, to Australia, à l'Australie, all through to South Korea, jusqu'en Corée du Sud, all the way through Europe, en Europe, up to Finland, jusqu'au Finlande, and up to Canada, jusqu'au Canada, the whole of Africa, toute l'Afrique. There has been a journey. Ça a été un grand voyage. That is preparing the way for the coming of the Messiah. Qui est en train de préparer la voie pour la venue du Messie. And that highway of holiness. Et cette autoroute de la sanctification. That is being prepared. Qui est en train d'être préparé. Is today passing here. Ça passe aujourd'hui ici. And so the conversation I'm going to engage you on. Alors la conversation dans laquelle je vais vous engager. Is a holy conversation. C'est une conversation sainte. So let's begin from the basics. Commençons par la base. If the Lord has spoken with me. Si le Seigneur a parlé avec moi. About the coming of the Messiah. Oh, sur la venue du Messie. And sent me to you. Et m'a envoyé vers vous. Then what has the Lord said? Alors qu'est-ce que le Seigneur a dit? That's where we need to begin. C'est de là que je vais commencer. Alléluia. Alléluia. I am going to describe a vision here. Je vais décrire une vision ici. And I'll use it to launch the message. Et je vais utiliser ça pour lancer le message. But this message. Mais ce message. Will change your lives forever. Ça va changer votre vie pour toujours. In Kenya right now. Au Kenya maintenant. It is unbelievable. C'est incroyable. Millions of people more than your population here. Des millions de personnes plus que votre population ici. Are running to Jesus. Ils courent vers Jésus. When I do a meeting in Kenya. Quand je fais une réunion au Kenya. The government has to come and do that meeting. Et le gouvernement doit venir et faire cette réunion. Because it's too big

ça, son occupation, ça. De travailler. Sans son travail. His work. Sans son travail, oui. Hallelujah. Amen. So now, I will learn French one day. Je dois apprendre le français. So listen to this now. Écoutez ceci. So, alors, as the glory was going about his duty. Alors quand la gloire faisait son travail. Then I saw something different. Alors je vis quelque chose de différent. That thing I saw. La chose que j'ai vue. Inside the brilliant glory of God. À l'intérieur de la brillante gloire de Dieu. It looked like a golden thing inside that glory. Ça avait ressemblé à quelque chose de d'or à l'intérieur. Golden. En or. Golden. L'or. Yes, you know, I'm walking with you because I want you to get it. Yes. And the right word. Yes. Because in Spanish they say oro. Yes, Lord. Oh, yeah, very good. I saw something golden there. J'ai vu quelque chose de doré là-bas. And I realized. Et j'ai réalisé. That the more I looked at it. Plus je regardais à cette chose. The more. Plus. It became larger. Ça devenait plus large. But when I paid attention. Quand j'ai porté mon attention. Then I realized. J'ai réalisé. That the reason it was becoming larger. Et ça devenait de plus en plus grand. Is because it was moving. Parce que ça s'est déplacé. The Lord was moving it from inside heaven. Le Seigneur l'a déplacé de l'intérieur du ciel. Towards the entrance that he had opened. Vers l'entrée qui était ouverte. So it was becoming clearer and clearer. Ça devenait de plus en plus clair, de plus en plus clair. That's why I saw it larger and larger. C'est pourquoi j'ai vu ça. De plus en plus large. Until when it reached the entrance that was open. Jusqu'à ce que ça atteint la porte qui était ouverte. Then when I looked. Et quand j'ai regardé. The Lord put it right at the entrance that he opened. Le Seigneur a mis cela juste à l'entrée du ciel qui était ouverte. So when I looked. Alors quand j'ai regardé. That's when I understood. C'est là que j'ai compris. I said, oh. J'ai dit, oh. They were two. C'était deux. Mighty. Puissant, powerful, très fortement, glorious, glorieuse, wedding ring, anneau de mariage, Church of Christ, Église de Christ. I have come. Je suis venu. I prayed for French Guiana. J'ai prié pour la Guyane française. And I fasted. Et j'ai jeûné. And I told the Lord. Et j'ai dit au Seigneur. I want to reach there. Je vais atteindre là-bas. I have heard about you. J'ai entendu de ta part. But today, mais aujourd'hui, I am now here. Je suis maintenant ici. Now, maintenant, we can talk about the secrets of heaven. On peut parler des secrets du ciel. Directement. Directement. Directly to the church. Directement à l'église. When I looked, et j'ai regardé, I was stunned. J'étais étonné to see two mighty. Powerful, glorious wedding rings he placed at the entrance to heaven. J'ai vu deux anneaux glorieux, puissants, magnifiques à l'entrée de du ciel. And I want to describe a little bit for a purpose. There is a reason for each. Je vais décrire un peu dans un but. Il y a une raison pour cela. If you will catch this message here. Si vous saisissez ce message ici. When I went to Kenya, quand je vais aller au Kenya, you used to convince you had to convince somebody and tell them if you receive Jesus, he will give you a car, he will give you a home, and he will give you money, he will bless you. You had to convince him and insist. Vous avez l'habitude, add other words. Vous avez l'habitude de convaincre les gens en disant si tu reçois Jésus, il va te bénir, il va te donner des voitures, des maisons, des choses, et vous ajoutez d'autres mots. You used to do that for, and then he would say, vous aviez l'habitude de faire ça, et puis il va dire, let me go think about it a bit. Alors, laisse-moi aller réfléchir sur ça d'abord. Their hearts were closed. Leur cœur était fermé. But when this message came, mais quand ce message est arrivé, when they took this message, quand ils ont saisi ce message, right now, maintenant, we cannot control the people in millions who are running to receive Jesus. We don't know how to handle them. On ne peut pas contrôler les millions de gens qui courent pour recevoir Jésus. On ne peut pas contrôler cela. Including Muslims and Hindus. Incluant les musulmans et les hindous. They stand there. Ils se mettent debout là. And these two bishops et ces deux bishops ici. They always interrupt me. Ils m'ont toujours interrompu. The man of God. L'homme de Dieu. There is a Muslim family here. Il y a une famille musulmane ici. And some Hindus here, they are 50. Et il y a 15 hindous ici. There are 50. Yes, 50. There are 5. Yes, you are 5. There are 10. You are 10. Whatever the number. Quel que soit le nombre. And they are saying, it is, you must stop preaching. Tu dois arrêter de prêcher. They are saying, you must lead them to that Jesus you are talking about first before you continue. Il dit, tu dois d'abord les conduire à recevoir ce Jésus que tu es en train de prêcher avant de continuer la prédication. That Jesus you are talking about. C'est Jésus que tu es en train de parler ici. It is tremendous what this message can do to a country. C'est extraordinaire ce que ce message peut faire à un pays. I just want to bring that to you. Je vais m'amener ça à vous. That you may not think. Après que vous ne pas penser. That I am one. Que je suis là. Who is just singing a sweet song. Qui chante une autre chanson succulente. I want you to also perceive the gravity of the message. Je veux que vous percevez aussi la gravité de ça. This message became the foundation of revival. Ce message est devenu la fondation du réveil. Especially the revelation that came out. Spécialement la révélation qui va en sortir. Which I'm going to give here. Que je vais donner ici. The revelation on purification. La révélation sur la purification. You will be shocked. Vous allez être choqué. It became the foundation of the biggest revival in the history of the Bible. Ça devient la fondation du réveil historique depuis l'histoire de la Bible. That is going on in Kenya right now. Qui a commencé au Kenya depuis maintenant. Until the government, jusqu'à ce que le gouvernement, has to give me a special letter, doit me donner une lettre spéciale, allowing me, me permettant, to use their testing centers. D'utiliser leur centre de test. And in those centers, dans ce test là, you have the centers for disease control. CDC from Atlanta, Georgia have centers there. Vous avez les centres de contrôle des maladies. Depuis Atlanta, vous avez ce centre là ici. CDC. Ça s'appelle CDC. You have AMPAS. Vous avez AMPAS. Which is an academic model that was developed by Indianapolis University and University in Kenya. Ça c'est un modèle académique qui a été développé avec Indianapolis. You have Kenya Medical Research Institute. Tu as l'Institut de Recherche Kenyan. You have Walter Reed, which is the doctors of the US Army. They have centers there. Les docteurs de l'armée américaine sont aussi là-bas. All of them are doing AIDS research. Ils sont en train de faire la recherche sur le sida. The government, because of this message, the government had to give me a letter. À cause de ce message, le gouvernement m'a donné une lettre spéciale. Allowing me, me permettant, all those who have been healed of HIV AIDS, tous ceux qui sont guéris du sida, that they may go there for verification. Ils doivent aller là-bas pour la vérification. Up to DNA. Jusqu'au ADN. This message I am talking about. Ce here. Message que je parle aujourd'hui. So if you catch it, si vous le saisissez, this nation of French Guiana, cette nation de la Guyane française, I want this nation, je veux que cette nation, I want this nation to be the central center. Je veux que cette nation devienne le centre. And a huge revival explode out from here. Là où le grand réveil va exploser à partir d'ici. And begin to consume the neighborhood. Et commencer à consommer les voisins ici. I want that. Je veux que cela arrive. Because His Excellency the President is sitting right here. Parce que Son Excellence le Président est assis ici. That makes you special. Ça rend cela spécial. Listen to me. Écoutez-moi. So, when I looked at that thing, I found out they were two mighty, glorious, golden wedding rings. Quand j'ai regardé à cette chose, c'était deux agneaux puissants, magnifiques, dorés, qui étaient là à la porte du ciel. Wedding rings. Des anneaux de mariage. Mariage, very good. Wedding rings. Les anneaux de mariage. Let me describe a little bit. Laissez-moi décrire un peu. Everybody, pastors, focus on me. Tous les pasteurs, tout le monde, regardez vers moi. Focando, focus on me. Regardez vers moi, s'il vous plaît. I know you want to write, but focus. Je sais que vous voulez écrire, mais regardez encore. I'm giving on a purpose. Je fais cela dans un but. Deliberately. Délibérément. The rings were made of rich reddish brown gold. Alors, ça a été fait à un or un peu rougeâtre qui était là au ciel. But at one point when I looked at the finishing of the surface. Alors quand j'ai regardé la finition de la surface. Because I saw. Parce que j'ai vu. I saw as if there are droplets of water on the surface. Je voyais comme s'il y avait des drops d'eau qui étaient dessus. L'agneau. Only later I understood those are not droplets of water. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas les drops d'eau. The Lord made me know. Le Seigneur m'a fait comprendre. That those are fine particles of gold. C'était des particules fines de l'or. That He has used for finishing. Qu'il a utilisé pour faire les finitions. Beautifully finished. Pour finir ça avec une grande beauté. And each one of them.

Il veut me rencontrer. And he told me, il me dit, now the Lord has brought you here. Maintenant que le Seigneur t'a amené ici. And we saw the healing services. God healed many people. Nous avons les services de guérison. Dieu a guéri beaucoup de gens. And the message you brought our people, et le message que tu as amené à notre peuple, is a powerful message of purification. C'est un message puissant de la purification, of righteousness and holiness. De la droiture, de la sanctification. The least we can do to you. Le moindre des choses qu'on peut faire pour vous. Let me put it better in English. Je vais mettre ça mieux en anglais. If you say do to you mean do something bad. Do to you, c'est comme s'il fait quelque chose de mal. The least we can do for you. Les moindres des choses qu'on peut faire en ta faveur. The president was telling me this. Le président me disait ceci. And you know the president received the Lord. Et vous savez que le président a reçu le Seigneur. And he asked me. Et m'a demandé to go back and baptize him. De retourner pour le baptiser. So that is in progress. Ça c'est en progrès. But listen to what he told me. Mais regarde ce qu'il m'a dit. The least we can do for you. La moindre des choses qu'on peut faire en ta faveur. I am giving you my presidential jet. Je te donne mon jet présidentiel. With my pilots. Avec mes pilotes. To take you back. De te ramener chez toi à la maison. As a way of saying thank you. Pour la manière de vous dire merci. For being faithful to Jesus. D'avoir été fidèle à Jésus. For refusing to corrupt the gospel. D'avoir refusé de corrompre le message. Wow. Someone like me who comes from the village hearts of Africa. Quelqu'un qui vient du village de l'Afrique comme moi. Where does such a dream come from? Comment un rêve comme ça peut venir? How do I even dream such a dream? Comment est-ce qu'il peut avoir même un rêve de cela? And that's why I am saying. C'est pourquoi je dis, don't panic. Ne paniquez pas. Pastor, God does not intend to humiliate you. Dieu n'a pas eu l'intention de vous humilier. But please, mais s'il vous plaît, don't ever, ne faites jamais, corrupt this gospel. De corrompre cet évangile. Because you want to meet a need. Parce que vous avez rencontré un besoin. Never. Non, ne faites pas ça. Never ever. Jamais, jamais, jamais. If you want transport, just kneel down and pray. Si vous avez besoin de transport, mettez-vous à genoux, priez. If you want school fees for your children, vous avez besoin de l'argent pour l'école des enfants. You cannot touch this word. Ne touchez pas cette parole. This word, cette parole, is the only instrument. C'est le seul instrument that has power. Qui a la puissance to take a human being, prendre un être humain from the earth, de la terre, into heaven, jusqu'au ciel. Don't touch it. Ne le touchez pas. Because you have a need. Parce que vous avez un besoin quelconque. I have given that example. J'ai donné cet exemple. Because I want to encourage the pastors. Parce que je vais dire aux pasteurs. For me, God has not yet humiliated me. Pour moi, Dieu ne m'a jamais encore humilié. Coming from the villages of Africa. Venant des villages de l'Afrique. I have continued to live a life of adventure. Every time he surprises me. Je continue à vivre une vie d'aventure. Chaque fois, il me surprend. But can I move on now? Est-ce que je peux avancer maintenant? I want to finish the vision. Je vais finir la vision maintenant. I don't want to talk other side issues anymore. Je vais plus parler de ces choses à côté. I want to focus now. Je vais focaliser sur ça. So, alors, he was tilting the wedding rings. Il tournait les anneaux de mariage. And I could tell. Je pouvais dire that he was desiring the old. Et le design était ancien. The ancient. C'était ancien. The original. C'était d'original. The uncontaminated. C'est incontaminé. Not contaminated. Non contaminé. And then, alors, after that, après cela, the voice spoke. La voix a parlé. What did the voice say? Qu'est-ce que la voix a dit? Let me wait for the people sitting down so they sit so I can say it. Que les gens puissent s'asseoir rapidement pour que je continue. Those sitting down, sit quickly so I can say. Ceux qui s'assoient, asseyez-vous vite, comme ça je peux continuer. I don't want anybody to miss this. Je veux pas que quelqu'un manque cela. Finally, the voice of God speaks. Finalement, la voix de Dieu a parlé. Yes. Thank you very much. Merci beaucoup. Now I can continue. Maintenant, on va continuer. Then now the voice spoke. Alors la voix a parlé. What did the voice say? Qu'est-ce que la voix a dit? The voice from heaven said. La voix du ciel a dit. From today on, à partir d'aujourd'hui et après, all authority, toute autorité, in heaven, dans le ciel, and authority, et l'autorité, on the earth, sur la terre, has been given to Christ Jesus, a été donné à Jésus Christ. I am finished. J'ai fini. I think I've finished the message. Je pense que j'ai fini le message. Once I say that, après que j'ai dit ça.

prophetic tongue, avec ma langue prophétique, in the eyes of these people, aux yeux de tout ce peuple, I have blessed you eternally. Je te bénis éternellement. For clapping. Pour avoir acclamé. When I say eternally, quand je dis éternellement, I mean eternally. Je veux dire éternellement. I saw him. Je l'ai vu. And I knew. Et je suis. That any moment he's going to be released. À n'importe quel moment il sera relâché. In fact, en fait, it made my heart panic a bit. Ça fait mon cœur paniquer un peu. After that, I woke up. Après cela, je me suis réveillé. What a tremendous vision to behold. Quelle vision extraordinaire de saisir. Can I run straight to the revelation? Est-ce que je peux aller directement à la révélation? Because we don't have time. Ah, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. I need to get the central theme. Je vais arriver au point central. I have to start at 7 and give everything. Je vais commencer, à 19h et donner toutes choses. In Kenya, they start the conferences in the morning. Au Kenya, on commence la conférence le matin. But because of the revival, mais à cause du réveil, le réveil historique, people come 3 days before the meeting. Les gens viennent 3 jours avant la réunion. It's so big. C'est tellement grand. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. Don't ever I cry. Je pleure. That let there be no nation. Qu'il n'y ait pas une nation. That will miss to see this revival. Qui puisse manquer de voir ce réveil. Before the Messiah comes. Avant que le Messie arrive. You, it would be a tragedy if your nation fails to see that revival. Ça sera une tragédie si votre nation échoue de voir ce réveil. Even now, I have a big international conference in Kenya. Même maintenant, j'ai une grande conférence internationale au Kenya. But people will start arriving 3 to 4 days before them. Mais les gens commencent à arriver 3 à 4 jours en avance. Revival means hunger for Jesus. Much hunger. Le réveil veut dire les gens ont faim de Jésus, une grande faim. Uncontrollable hunger. Une faim incontrôlable. Let that happen in this land. Que cela arrive dans cette nation. But let me continue. Laissez-moi continuer. Everybody focus on me now. Tout le monde regarde vers moi maintenant. No movements right now. S'il vous plaît, ne bougez pas. Everybody focus on me now. Regardez-moi vers moi maintenant. You saying what? What are you saying? Hungry and thirsty. He says very thirsty. Hungry and thirsty. Very good. Very good. Amen. Yes. He says. Il dit, for those who are hungry and thirsty, pour ceux qui ont faim et soif, the floodgates of heaven are open. Les portes et les cieux sont ouvertes. He will come and fill your hunger. Il va venir et remplir ta faim. And your thirst. Et ta soif. The river of life. La rivière de la vie. Is going to flow in your heart. Va couler dans ton cœur. Hallelujah. Very mighty pastor, that one. Un pasteur très puissant. Very mighty. Very puissant. Now focus on me now. Regardez vers moi maintenant. I need to move now. Je dois avancer. So listen. Écoutez. When the Lord spoke with me, quand le Seigneur a parlé avec moi, about the coming of the Messiah, sur la venue du Messie, and showed me, il m'a montré, the vision of the 2 glorious wedding rings in the sky, la vision de 2 anneaux d'or glorieuses au ciel. What is the message to the church in French Guiana? Quel est le message pour l'église en Guyane française? That's where I want to start giving the message. C'est là où je vais commencer à donner le message aujourd'hui. Listen, precious people. Écoutez, peuple précieux. Can you allow me? Pouvez-vous me permettre to go through some 5-6 points with you? Aller sur 4-5 points avec vous. Just to make sure. D'être sûr. That all of us are at the same level before I launch the revelation. Que tous ensemble nous sommes au même niveau avant que je donne le message. Will you allow me? Est-ce que vous me permettez cela? Yes. Why? Pourquoi? Because of the current condition of the church. À cause de la condition actuelle de l'église. It is important for me. C'est important pour moi. Not to assume. De ne pas assumer. To make sure I bring everybody on board. Être sûr que j'amène tout le monde à bord. On the same page. Sur la même page. Then launch the revelation. Amener le message de la révélation. Are we ready? Est-ce qu'on est prêt?

In fact, I was talking to my pastor. En fait, je parlais à mon pasteur. I like talking to him. J'ai parlé à mon pasteur. He makes me happy. Il me rend heureux. He's funny. Il est amusant. I love him. Je l'aime. And then, alors, you know that there is something sick in that relationship. Tu sens qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette relation-là. Malade. Il y a une maladie. Something malady in that relationship. Il y a quelque chose de malade dans cette relation. Because of time. À cause du temps. And the state of the church. Et l'état de l'église. If you look at the condition of the church. Si tu vois la condition de l'église. There is no way. Il y a pas de moyen. When you preach here. Et que tu prêches ici. The church can love you. Que l'église puisse t'aimer. No way. Non, il y a pas de moyen. This man. Ce homme ici. When I met him. Quand je l'ai rencontré. He had 27 sheep. Il avait 27 membres d'église. And I told him. Je lui ai dit. Now. Maintenant. You have come. Maintenant tu es venu. Hein? Now that you have come. Maintenant que tu es venu. I want you to go back. Je veux que tu retournes. And do the following. Et fais ceci. Go back to your church. How many do you have? Combien tu as? Go back to your church. How many do you have? Combien tu as? Is it 27, please? Il y a 27 personnes seulement. 27, please. 27, s'il vous plaît. Okay, say 27, please. Oh, 27, seulement. Okay, go back to 27, please. Alors, va à ce 27-là, s'il vous plaît. And when you reach there, quand tu arrives là-bas, I want you, je veux que, to rebuke the sin in them. Que tu réprimandes le péché au milieu d'eux. And that time, à ce temps-là, when I'm saying so, quand je disais ça, he was trying to milk the sheep. Il essayait de prendre le lait de ses brebis. To get some little milk for food. Avoir un peu d'argent pour la nourriture. For rent. Pour le loyer. Because you need to rent the church. Parce qu'on doit payer pour l'église aussi. And he needs to build the congregation. Et il voulait aussi bâtir la congrégation. And he knows them. The pastor knows his sheep. Et le pasteur connaît ses brebis, les connaissait. He knows that these people. Il connaît que ces peuples ici. If I go and rebuke them. Si je pars, je les réprimande. I will remain with like this. Je resterai avec un peu comme ça là. Five. Cinq. So. Alors. At first he thought something is wrong with my head. Au premier, il a pensé qu'il y a rien qui marche avec ma tête. So he escaped and went to Germany. Alors il m'a fui, il est parti en Allemagne. I look for him, I don't see him. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. After that he came. Après cela il est revenu. It's a man of God. Il dit homme de Dieu. I feel I'm now ready. Je pense que maintenant je suis prêt. He came back. Il est revenu. I said, you are now ready, my son. Yo, mon fils, maintenant tu es prêt. Okay. Yeah, okay. This is the instruction. Ceci est l'instruction. Go back there. Retourne là-bas. The 27. Le 27 là. And rebuke the hell out of them. Et chasse l'enfer au-dedans d'eux. I will do it. Il dit, je vais le faire. I will just do it. Je vais seulement le faire. Because it's you who has said. Parce que c'est toi qui l'as dit. So he went back. Alors il est retourné. Knowing they are going to run away. Et sachant qu'ils vont fuir. And rebuked them. Il les a réprimandés. And when he rebuked them, et quand il les a repris, he heard me giving a prophecy. Il m'a entendu donner une prophétie. I said, I see the walls of the church being destroyed. Et je vois que les murs des églises sont commencés à être détruits. Because there are more people outside than inside. Parce qu'il y a plus de gens à l'extérieur qu'à l'intérieur. I see revival. J'ai dit le réveil. The God of the harvest. Le Dieu de la moisson. He's going to bring in the harvest. Il va amener la moisson. And then, alors, after a while, après un moment. Man of God, homme de Dieu, I have built a new church. J'ai bâti une nouvelle église. I said, how did you build? J'ai dit combien tu as bâti? I did the iron sheets. J'ai fait les toitures en haut. And I put the wall around. Et j'ai mis les murs autour. I said, no, my son. Non, mon fils. Don't do like that. Ne fais pas ça. Build a tent. Fais seulement des tentes. Because after 2 months. Parce qu'après 2 mois. He came back. Il est revenu. Man of God, I have to destroy the wall now. Oh, homme de Dieu, je dois renverser les murs maintenant. Again, there were more people out. Il y a beaucoup plus de gens dehors than inside. Qu'à l'intérieur. I said, you need a tent. Je dis que tu as besoin d'une tente. So you can roll out. Afin que tu puisses les dérouler. Every time they come, you roll out. Chaque fois qu'ils viennent, tu déroules encore. And then, alors. One time he made an announcement. Une fois il a fait une annonce. He said, today I am serious. Il dit, aujourd'hui je suis sérieux. And I'm not joking. Je ne joue pas. All people who are members of the university community,

Aver Shelley. That male, yes. So listen. Écoutez. In Hebrew. En hébreu. What he's saying is this. Il dit ceci. He calls him mon ami. Il l'appelle mon ami. He said, friend. Mon ami. How did you get in here without wedding clothes? Comment es-tu entré ici sans habit de noces? Friend. Mon ami. Meaning. Ça veut dire. The Lord and this man. Le Seigneur et cet homme. They knew each other. Ils se connaissaient. There was a relationship. Ils avaient une relation. This was the friend of God. Ça c'était un ami de Dieu. Who is the friend of God in this earth? Qui est l'ami de Dieu sur cette terre? Ah, that is very powerful. Ah, ça c'est puissant. That's very. Who said it? That's very powerful. Qui a dit ça? Very powerful. When someone else shouted it there. Quelqu'un d'autre là-bas. That's very, very powerful. Oui. The friend of the Lord on this earth is only the church. Il n'y a que l'église qui est l'ami du Seigneur sur cette terre. And he says. Et il dit. Friend. Mon ami. How did you get in here without wedding clothes? Comment es-tu entré ici sans habit de noces? He said, oh. Il dit, oh. Can you people tie him? Est-ce que vous pouvez l'attacher? Hands and legs. Les pieds et les mains. And throw him to inferno, to hell. Et le jeter là dans l'enfer. Where there is the gnashing of teeth. Là où il y a le grincement des dents. And the weeping. Et les pleurs. Meaning. Ça veut dire. When it comes to the garment of the Lord. Quand ça arrive au vêtement du Seigneur. On this day. En ce jour. It does not matter friendships. Les amitiés ne comptent plus. Did you understand me? Est-ce que vous me comprenez? Friendship will not matter. Les amitiés ne compteront plus. As long as you don't have a garment. Aussi longtemps que tu n'as pas le vêtement. Finish. C'est fini pour toi. I really have to finish there. Je dois maintenant m'arrêter là. Please allow me to start this very important message. S'il vous plaît, permettez-moi de commencer. I'm sorry, but you start at 7 p.m. Excusez-moi, vous avez commencé à 7 heures du soir. Does anybody want to hear about this vision? Est-ce que quelqu'un veut entendre cette vision ici? How many want to hear? Combien veulent entendre ça? But keep it high. Levez les mains. Huh? Oui. Because if you don't want, I can sit with you one on one and sort it out. Parce que si vous voulez pas, je peux m'asseoir un à un avec vous et finir ça. Why you don't want? Vous savez pourquoi vous ne voulez pas? So you all want to hear. Alors vous voulez tous entendre ça. Can I begin this? Est-ce que je peux commencer cette conversation? I will condense it. I will summarize. Je vais condenser cela. Je vais résumer. And I still want to appreciate that the president is sitting. Et je vais continuer à apprécier que le président est assis ici. I want to appreciate that. Je vais apprécier cela. Please, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. So now listen to me. Écoutez-moi maintenant. Really, let me just move something else. Laissez-moi avancer à quelque chose d'autre. Now, maintenant, every once a year, une fois l'année, when I go all over the earth, quand je pars dans toute la terre, the Lord has allowed me, le Seigneur m'a permis, to do one mega healing service, de faire une méga service de guérison, in Kenya, au Kenya, we call it the New Year's Eve. Nous l'appelons une soirée de réveillon à des fins d'année. And today I am giving out the invitation to all of you here. Et maintenant je vous lance à tous ici l'invitation. Normally when you come, normalement quand vous venez, we will take care of all your transport. On prendra soin de votre transport, your food, votre nourriture, your hotel accommodation, votre accommodation d'hôtel, that we may facilitate you. Afin de vous rendre la tâche facile. The Lord has allowed me to do that. Le Seigneur m'a permis de faire cela. Why? Pourquoi? Because this visitation. Parce que cette visitation is bigger than Kenya. Est plus grand que le Kenya. This visitation. Cette visitation is for all the nations. C'est pour toutes les nations. Number three. Troisièmement. This visitation. Cette visitation is bigger than money. C'est plus grand que l'argent. So the Lord has helped me and allowed me to do that. Et le Seigneur m'a permis de faire cela. In fact, sometimes I give flight tickets also to pastors, but I cannot give all. Alors, des fois, je donne des billets d'avion gratuits à certains pasteurs, mais je ne peux pas donner à tous. But if you can just arrive, mais si vous pouvez seulement arriver, you give us your itinerary. Vous nous donnez l'itinéraire. At the door of the aircraft, the door. À la